Bienvenue à Futur Simple sur CKRL au 89.1. On va ouvrir l'émission sur une étude qui porte sur les différentes stratégies de stationnement pour vélo avec Camille Villefèvre. Bonjour Camille. Bonjour François. Alors c'est quand même plutôt inusité comme recherche, n'est-ce pas? Oui, certainement. Et cette recherche parut dans la revue Social and Cultural Geography il y a plus de 4 ans. Et menée en Angleterre est plutôt inusitée, effectivement. Mm-hmm. Mais elle a été parmi les premières, sinon la première, à s'intéresser au vélo lorsqu'il est immobile. Rachel Aldred et son équipe se sont ainsi questionnés sur les diverses stratégies impliquées lorsque les gens doivent stationner leur vélo. C'est la méthode qualitative, donc l'analyse du contenu de discours qui a été préconisée dans cette étude réalisée à Londres. Les chercheurs ont ainsi mené des entretiens semi-dirigés avec plus de 150 cyclistes occasionnels ou réguliers provenant de 4 quartiers différents, surtout du point de vue sociodémographique, mais comportant tous un taux élevé de cyclistes à l'intérieur de leur population. Les auteurs proposent le concept d'objet hors de son contexte pour expliquer le manque de légitimité du vélo en milieu urbain, principalement en comparaison avec l'automobile. Ils expliquent que l'automobile fait partie de la culture à titre de pays occidentalisé et industrialisé. Elle est alors, la voiture est alors normalisée ou, si on veut, légitime dans le quotidien de nos vies. En ce sens, il serait socialement accepté d'établir des espaces réservés au stationnement des voitures, que ce soit le long des routes ou bien des terrains. La voiture, même immobile, fait partie du paysage urbain. Ainsi, l'objet qu'est la voiture est culturellement approprié dans son contexte, dans notre contexte même. Toutefois, dans le contexte de l'utilisation du vélo, celle-ci demeure faible, comme en Angleterre. La perception des gens envers le vélo, principalement lorsqu'il est inutilisé, est négative. Leurs résultats proposent que plusieurs qualifiaient les vélos stationnés comme étant laids ou salissant le paysage urbain, soit comme des objets localisés hors de leur contexte, puisque inutilisés. Les auteurs de l'article soulèvent même que la pratique du cyclisme est considérée comme une activité compromettant symboliquement l'ordre de l'automobile au Royaume-Uni, puisque les automobilistes se plaignent souvent que les cyclistes sont au mauvais endroit. Mm-hmm. Un discours qu'on entend ailleurs aussi. Ah, c'est un fait, hein? C'est une réalité qui est contrastante avec celle de l'automobile. Et pourtant, il est question ici de 2 objets utilisés pour réaliser des déplacements, dont, mentionnons-le, la plupart du temps, les autos, comme les vélos, sont stationnés et inutilisés. L'étude démontre clairement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les observations des chercheurs à ce sujet? Bien entendu. Dans l'étude, il est expliqué que cette situation d'inégalité va largement affecter les stratégies pour stationner le vélo. Les chercheurs ont divisé les stratégies de stationnement en 2 grandes catégories, soit celles liées aux infrastructures de soutien et celles liées à la bicyclette en elle-même. Mm-hmm. Donc, les difficultés pour stationner le vélo débutent à la maison. Il est souvent plus facile de trouver un logement à Londres qui inclut un stationnement pour l'automobile que celui incluant un espace sécuritaire ou garer une bicyclette. Les locataires doivent alors user de stratégies telles que des rangements au plafond, à la verticale sur un mur, dans des hangars qui, notons-le, sont souvent encombrés de divers objets, dans la cuisine et dans les corridors, par exemple. Cela engendre parfois des disputes avec les autres locataires ou même, à l'extrême, là, avec le propriétaire, puisque les cyclistes sont confrontés à un manque de compréhension de ce qui pourrait constituer un stationnement sûr et sécuritaire à la fois pour le vélo, mais aussi pour les autres personnes avec qui ils partagent leur milieu de vie. Donc, les difficultés de stationnement se poursuivent aussi lors des déplacements. Les cyclistes doivent réaliser un compromis entre ce qui est offert dans les rues et la pression de verrouiller correctement son vélo pour éviter de se le faire voler. Donc, les cyclistes doivent souvent stationner leur vélo auprès de lampadaires, de rampes, de pancartes de signalisation, de clôtures. Bref, ils doivent improviser avec ce qui se trouve sur les lieux. Les vélos stationnés se retrouvent alors une fois de plus dans un contexte inapproprié à leur présence. Ils sont des objets considérés hors de leur contexte, et cette situation influence négativement la perception des gens sur leur présence. Donc, En fait, ça affecte négativement puisque les vélos sont perçus comme étant sur des objets qui sont inappropriés à leur présence. L'étude démontre que le manque de légitimité des vélos dans les espaces publics et même privés a un impact sur les stratégies utilisées dans les espaces de stationnement non officiels. Mais qu'en est-il des espaces aménagés pour les stationnements? Mais dans ces cas-là, les cyclistes semblent faire preuve de beaucoup d'imagination. Puisque les vols de vélos sont élevés à Londres et que les espaces de stationnement sont souvent surchargés, les cyclistes emploient en moyenne 4 différentes stratégies dans ces cas-là. La première consiste à acheter plus d'une bicyclette. Mm-hmm. Puisque les espaces de stationnement pour vélos manquent, ils vont laisser en permanence une de leurs bicyclettes, souvent de piètre qualité, notons-le, stationner à un endroit désiré et lorsqu'ils veulent verrouiller leur vraie bicyclette, ils les interchangent ou encore vont les attacher ensemble, mm-hmm. s'assurant ainsi de toujours avoir un espace réservé. Cette situation-là se trouve souvent pour les milieux de travail, donc au boulot, puisque lorsque les cyclistes doivent stationner leur vélo au boulot, la situation n'est pas mieux. Les auteurs ont noté qu'il est souvent considéré comme dangereux pour la santé et la sécurité d'entrer son vélo sur les lieux de travail. Les cyclistes doivent alors convertir les espaces destinés à d'autres fins, une solution qui est informelle mais incertaine à long terme. La seconde stratégie contre le vol, cette fois-ci, est d'utiliser un vélo bas de gamme. Même si mm-hmm. les personnes ont les moyens de s'acheter leur vélo drive, ils préfèrent utiliser un vélo bas de gamme pour éviter de se le faire voler. Ici, on parle principalement dans une situation d'utilisation utilitaire là, pour le vélo. La troisième stratégie est de volontairement abîmer ou du moins de dévaluer esthétiquement son vélo afin de décourager les voleurs. La valeur d'utilisation du vélo pour le propriétaire est maintenue, mm-hmm. tandis que la valeur d'échange pour le voleur est réduite ou apparemment réduite. Des actions comme abîmer la peinture, mettre des accessoires efféminés, utiliser des couleurs terne ou encore poser, comme on dit en bon québécois, du duct tape, mm-hmm. sont des modifications volontaires. Puis, c'est des stratégies qui ont été relevées par les chercheurs. Des stratégies qu'on note aussi dans la ville de Québec, je peux vous le confirmer. Et comme quatrième stratégie? En fait, ce n'est pas de modifier volontairement son vélo, comme la stratégie précédente, mais de ne pas l'entretenir, soit de favoriser un laisser-aller. Mm-hmm. De la rouille sur la chaîne va ainsi s'accumuler, ou encore les cyclistes ne laveront pas leur vélo. Ainsi, le piètre état du vélo sert une fois de plus à dissuader les voleurs de s'en emparer. C'est ça, en le rendant désintéressant, c'est ça. Exactement. Malheureusement, ces stratégies dans l'endissement du vélo n'améliorent pas l'image du vélo. Est-ce que ces pratiques ne font pas en sorte que la perception négative des gens vis-à-vis du vélo est fondée? Eh bien, en partie oui, puisque justement, comme tu l'as mentionné, les diverses stratégies de stationnement consistent à enlaidir les vélos pour réduire les risques de vol. Mmh. Et dans le cas de cette étude, certains vélos employés pour les déplacements utilitaires sont de bas de gamme, amplifiant alors la faible valeur symbolique du vélo aux yeux des gens. D'autre part, les cyclistes font face à une dualité, puisqu'ils représentent une forme de menace à la sécurité publique en employant diverses stratégies de stationnement liées aux infrastructures, et puisqu'ils sont eux-mêmes menacés par les voleurs, les vandales et parfois même les employeurs ou les propriétaires. Ils luttent également pour gérer les demandes sociales souvent contradictoires. Dans un paysage urbain n'offrant que des affinités limitées, leurs bicyclettes doivent simultanément être moins nuisibles pour les autres et moins vulnérables au vol. L'une des solutions possibles proposées par les chercheurs serait alors de redéfinir la bicyclette comme un objet intérieur urbain élégant et de revoir la place du vélo dans le système de valeurs actuel. Mmh. Alors, que peut-on conclure de cette étude? Eh bien, que le vélo soit généralement accepté dans le paysage urbain comme sur les pistes cyclables, eh bien, ils sont souvent considérés hors de leur contexte, mis à part sur les pistes cyclables. Comme par exemple dans les rues l'hiver, là, c'est ça? Par exemple, c'est oui, ça, c'est un excellent exemple. Donc, ils sont inappropriés dans plusieurs situations. Dans le cas de l'étude présente, lorsqu'ils sont inutilisés, ils sont alors perçus comme un dérangement dans le paysage urbain et sont perçus comme étant laids, affreux. Et ils sont... On ne voudrait pas les voir. On ne veut pas les voir, exactement. C'est une étude qui s'est déroulée à Londres, mais j'ai l'impression que plusieurs aspects sont transposables ici. Je pense que l'étude démontre clairement qu'il y a encore bien des mentalités à changer. On n'a qu'à écouter nos belles radios poubelles pour nous en convaincre. Alors, merci beaucoup, Camille. Merci, François. On va passer en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de cannabis.